partir de maintenant. Tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Nekfeu. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap Nekfeu, c'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti, coup d'envoi, feu pour cette dernière. Comment feu, ça va? Feu. Ça va super bien. En pleine forme? En pleine forme, ouais. Voilà, c'est ce soir déjà la dernière. C'est passé vite, hein, cette semaine. Ça passe super vite. Ça passe super vite. Bah ouais, surtout les freestyles, ça passe vite. Ah bah les freestyles. Ah, ouais, c'est bien, on m'a mis bien, j'étais bien. Je regardais, j'écoutais toute la semaine. On va essayer de faire encore mieux là pour la dernière. Et ben pour la dernière, ce sera encore un gros live à pas louper. Puis on va se rappeler là l'espace de 4-5 minutes. On a préparé le replay de la semaine, c'était compliqué hein, parce qu'il y a eu beaucoup de live. On a concentré tout ça en 4-5 minutes et ça donne ça. C'était toute cette semaine avec Nekfeu sur Skyrock. Ça dit quoi? Check. Même si t'as tout fait pour les gens, à la moindre dispute, ils oublieront déçus de ceux qui rampent. On veut des sous et c'est le sous qui rentre, c'est le souk. Je veux pas d'une zouze exubérante qui zouk. Sinon je devrais couper le souffle aux soupirants. Ils me supplieront de les épargner, mais je suis pas économe. Eh connard, laissez parler les vrais bonhommes. Tu sais, tant qu'un frère a du cœur, j'ai rien à foutre de ses stats. On a passé le stade de se demander qui c'est star. On s'estime et les doutes cessent, tombent, je suis pas assez stable. Si star, cesse donc d'enfiler ses stars. Au fond du trou, à part le ciel, tu veux que je me tourne vers qui? Envie de retortir à zéro comme un converti. Planet Rap. J'ai des yeux meilleurs, tout me perturbe. J'ai vu des jeunes voyous perdus devenir des mecs de urge. Nounet, loin de ses frayeurs, je recoupe d'une couverture ma deuxième mère qui dort sur le canapé après une dure journée. Un jour elle m'a dit je t'aime et tes yeux scintillèrent. Je me sens apaisé par sa voix pendant les 5 prières. Pourtant je suis loin d'être un modèle de vertu. Bordel de merde dure, vie moderne, faut que je modère la verdure. Pendant que le diable embrouille encore une âme, la mort arrive, muette comme une tombe, bruyante comme une larme. Pendant que le diable embrouille encore une âme, la mort arrive, muette comme une tombe. Planet Rap. C'est la vie d'un jeune entrepreneur et complexe. Entre les embrouilles avec la justice et les embrouilles avec mon ex. Et les embrouilles avec mes fournisseurs, les embrouilles pour descendre. Je suis dans un monde étourdissant, tu peux tout remonter, tout redescendre. Je redescendrai plus jamais. Mon ex m'a dit, je t'en prie, ne t'en va pas. 24 piges à peine, je travaille déjà plus que ton papa. Planet Rap. Je suis celui qui ne supporte pas l'idée tout à fait. On m'a tellement dit dommage, on le déduira de ta veille. Je suis celui qui arrive avant que tu te mettes à rêver. Je suis la scène que tu refais quand tu viens de te faire taper. Y'a quelque chose entre pas la mémoire. Nec le Fennec est un cavalier noir. Abat les lois, avale mes noix. Pardonnez-moi si je perds la mémoire. Un filet de barre depuis le départ. L'envie de me battre guide mes pas. Un filet de barre remplit deux étages. J'espère que cette pétasse est pile le bas. Le studio est allemand, italiennes sont les bagnoles. Les concierges sont américains, les problèmes sont espagnols. Planète Rap. Check. Hein, dans les dédales de Paname, je n'ai pas décalé. Je me balade pas loin des halles où les dalles parlent mal de la femme. Et je déballe des tas de faces. Au départ, je n'avais pas de passe. Mais je tape et les craps sales que je lâche, je te laisse pas de trac. J'aime pas les paperasses, parlez pas de ça. J'ai le bac, mais le choix de ma vie, c'est draper la night. Ouais, ça, c'est ma life. Et j'ai pris des tas de claques, prié tard le soir. Et crié par la PAC, c'est pas. J'ai gratté pas mal de face de malade. Si j'ai traqué ta femme, c'est un acte banal. Et je plane dans le calme, flâne. Quand je tape, j'ai pas le temps. Planet Rap. Bon, il y a une arrivée dans le studio, on parlait de cover. Et voici la version originale. Le retour de Doc Gynéco sur Skyrock dans Planet Rap. D'ailleurs, Fred, attends doucement, Fred, relax. C'est vrai que je devrais passer plus de temps avec toi. J'ai écouté ton album. Alors, très bien, t'as écouté Feu? Oui, ce matin, j'ai écouté tout. Ça me fait 1h18. Bien. Il est long. Hein. C'est... Moi, je suis l'iPhone 1 et lui, c'est l'iPhone 6. Je veux pas voir ton compte intellectuel. Je veux pas voir ton cul, mais ton QI. Yeah. Pourquoi tu mets des barésilles sur ton cerveau? Je fais du gynéco, pas de la philo. Tel gars devant la porte qui essaye de rentrer. Tu connais même pas leur code, même si t'as le dress code. Ils vont te bloquer. Ta date de naissance, le nom de ta belle-mère. Essaye tous les chiffres que tu connais. Mais sache que la porte ne s'ouvrira jamais. Et si tu me demandes comment je suis rentré, j'ai juste poussé. C'est la porte, t'as oublié d'essayer. J'ai pas de problème avec Gavalda, mais je mets pas de science dans mon peur. Je fais partie des gens simples et je réfléchis pas. Ok, ce soir ça part en impro. Paraît que ça kick pas mal comme Doc Gynéco. Je veux atteindre le Nirvana. Ouais mon gars, tu sais bien, c'est pour l'éthique Fana, mais surtout pour les frères qui sont là depuis le début là-bas, hein. Qui écoutent depuis Paname, qui mettent pas de soupape. C'est le tout pape, toujours coupable. Tu vois bien que tout parle. Tout le monde parle de ça, tout le monde parle de nous, ouais. C'est comme ça que ça se passe, j'arrive à pas de loup, half le loup comme half flow. C'est comme ça que ça se passe, on a le flow, on a le ral flow, vas-y tout se balance le flow. Planet Rap. Planet Rap. Fort, hein. Grosse semaine, beaucoup de live, ouais, avec Nekfeu, beaucoup d'invités. Bah... C'est vraiment ce qu'on kiffe et nous, on aime bien arriver à faire des freestyles un peu inédits et que tu regarderas dans 5-10 ans en disant putain, c'était classique. Et bah, des classiques de freestyle, voilà. Allez les voir d'ailleurs tous, ils sont dispo en intégralité sur le skyrock.fm, sur le planetrap.skyrock.com, le blog de Planet Rap avec plein de petites infos sur Nekfeu. C'est donc la dernière, je le disais, ce soir. Ouais. Nekfeu, on va parler avenir. L'avenir, c'est évidemment la sortie de cet album. Tu comptes aller le défendre aussi sur scène, je suppose, qu'il va bien, y avoir bien une sûr, grosse tournée. Ouais, là, je prépare ce qui va être le plus gros, la plus grosse tournée qu'on ait faite jusqu'à maintenant. On a un peu plus de possibilités de faire des gros trucs. Donc là, on va se donner à fond. On va investir à fond sur des grosses salles, genre des Zéniths, l'avenir nous le dira. Mais par contre, en termes de scénographie et de spectacle, on va essayer de monter le truc encore plus haut. Et j'ai très hâte d'y aller, quoi. C'est un truc qui te plaît, justement. On parlait de grosses salles comme les Zéniths. C'est un truc qui t'attire ou tu préfères des salles un peu plus intimes Moi, j'aime les deux. Je continuerai à faire les deux, tu vois. C'est deux ambiances complètement différentes. Quand c'est plus personnel, c'est plus petit. Et quand t'as besoin d'adrénaline, les grosses salles, c'est un truc de fou. T'entends des cris comme ça. C'est quoi la plus grosse date que t'es faite pour l'instant, toi, Nekfeu? En salle ou en festival? Salle, festival. J'ai fait, avec 1995, on a fait le Palais des Sports. Mmh. Oui, c'est vrai qu'il y a eu le Palais des Sports, ouais. C'était fou. Ouais, c'était à l'américaine. Et on a fait, tu sais, en festival, on a fait des trucs comme les Eurocaennes ou les Francopholies ou genre, tu peux même pas compter combien il y a de personnes tellement c'est un truc de fou. Et voilà, mais on a fait. Tu sais, par exemple, j'aime encore plus jouer à l'Olympia ou à la Cigale, parfois que des grosses dates. Ça dépend du public et de l'ambiance et de qui est venu te voir, s'il y a de la famille ou des trucs comme ça. Tu vois. Festival cet été, t'en fais quelques-uns ou c'est trop tôt là? Je fais quelques festivals. Je fais le Fnac Live Festival le 18 juillet. Ouais. Ouais, c'est gratuit, donc venez tous, c'est à Hôtel de Ville. Hôtel de Ville, ouais, Parvis, l'hôtel de Ville à Paris. Ouais, je fais ça. Je suis en Belgique pour les Ardentes. Ça se rajoute tous les jours, donc en urgence, je suis en train de travailler un peu la scène là. Et je vais faire un peu des clubs un peu partout aussi, histoire de passer des bonnes vacances. Sympa aussi, petite ambiance club. Ouais, voilà, c'est toujours plaisir. Ouais, c'est gaulerie, c'est un autre délire, ça aussi, j'aime bien faire ça. Et à la rentrée, par contre, ça va attaquer sévère. Et bah très bien, Nekfeu, coup d'envoi de ce Planet Rap. On débute avec On Verra comme d'hab et un gros freestyle. On présentera un petit peu tout le monde dans un instant. C'est sorti lundi. Feu dans les bacs. Va chercher ça. On sèche les cours, la flemme marque le quotidien. Être en couple, ça fait mal que quand il tient. Même si j'ai rien à prouver, je me sens un peu seul. J'ai toujours pas trouvé la pièce manquante du puzzle. En possession de drogue, les jeunes sont fêtards. Quelle ironie de mourir en position fétale. Je viens à peine de naître, demain je serai vieux. Mais je vais tout faire pour être à jamais ce rêveur. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. On verra bien, vas-y viens, on y pense pas. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. On verra bien, on verra bien. Ce soir on ira faire un tour chez l'épicier ouvert en bas. Et on parlera d'amour entassé sur une véranda. Élevé par une vraie randa, j'ai des valeurs qui verront pas. Être un homme ça prend du temps comme commander un verre en boîte. J'ai le vertige quand je pense à toute la route qui me reste à accomplir. Je suis prêt à te casser les couilles si t'abus, je te laisserai pas conduire. Le temps s'affile, on a peur d'enchaîner les défaites et pirater. Sa vie pas de projet à part mater des DVD piratés. Ah, on verra bien. Tout le monde en fout. Le monde est en guerre, plus on se rend flou, et moins on voit clair. Quand t'as pas d'argent, dans ce monde t'as pas droit. Y'a ceux qui cassent en tête et ceux qui tapent à croix. Combien de fois j'ai volé par flemme de faire la queue. Mon papa me croit pas, mais ça me sente le tabac froid. On se fait chier au taf, on attend les canvas. On se parle derrière un ordi, mais en vrai, quand est-ce qu'on se voit? On verra bien ce que l'avenir nous réserve. On verra bien. Si bien on y pense pas, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. On verra bien, on verra bien. Ici non seulement ça rappe, mais quand y'a un gros semence, ça rappe. Et que n'aie pas peur des insultes qu'on se lance aux consonances arabiques. On est tous dans les mêmes bateaux, même ceux que l'on aime pas trop. Car l'amour, le son et la bouffe sont devenus consommation rapide. Les jeunes pensent plus à des stars débiles qu'à Martin Luther King. Se lève jamais avant midi, à part le matin d'une perquise. Pendant que ses copains révisaient, le petit Ken devenait écrivain. Oui, je pense qu'à m'amuser, mais pour la coke, j'ai le nez de Krill. Escrew, 1995, on en a rien à foutre de rien. Blackbird, l'entourage, on en a rien à foutre de rien. Nos corps fonctionnent à l'envers, on marche avec des têtes, on se sent avec un regard et on joue avec les nerfs. Moi je parle avec les mains, parfois je pense avec ma. Mais je touche avec mes pensées, j'écris avec le cœur. J'en ai rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. Je n'en ai vraiment rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. On verra bien, rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. Je n'en ai vraiment rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. On verra bien, rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. Je n'en ai vraiment rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. On verra bien. C'est Nekfeu, on verra à l'instant, c'est extrait de l'album qui est dans les bacs depuis lundi, l'album Feu en ce vendredi soir entre 20h et 21h sur Skyrock. Yes, yes. Comme c'est évidemment la dernière, qu'est-ce qu'on a pu oublier de dire sur cet album Nekfeu que tu voulais préciser? Je voulais dire que je le dédie à ma famille, tu vois, qui me soutiennent grave, mm-hmm. à ma petite sœur notamment qui est ma plus fidèle supportrice, qui m'écoute de ouf. Qui est qui me donne des infos parfois sur ma propre carrière. Sur ta propre carrière. Tiens, ouais. Tu seras là-bas. Exactement. Tu vas faire ça. Non, mais ma parole, c'est ça. Ma Tiens, famille, tu vas enregistrer un featuring avec. Ah, ma famille, ils me disent non, t'as ça à faire. Non, des fois, ça me fait super plaisir. Quand, quand t'as commencé à rapper, t'as toujours été soutenu par la famille. Ils se sont pas dit, bon, c'est une passion, ça lui passera, il fera autre chose. Je t'avoue que c'est pas du tout, c'était pas du tout le délire, en fait. Quand j'ai commencé à rapper. Mes parents, ils voyaient pas le truc comme ça, tu vois. Ils avaient plutôt peur du milieu. Ils voyaient pas un avenir dans le rap. Pour eux, il fallait que je fasse des études et tout. Et tu vois, quand je suis revenu vers mes parents avec un début de succès, tu vois, même un petit truc, tu vois, ce qu'il y avait il y a 3 ans, des concerts, un peu d'argent des fois pour survivre. Là, ils ont commencé à me soutenir de fou et maintenant, voilà, tu vois, ils sont fiers de moi, donc je suis content. Bon, ils se sont dit, voilà, il a passé le cap entre la passion et, parce que ouais, voilà, c'est. Moi, j'étais un peu différent aussi de ce que je suis maintenant, tu vois, j'étais plus dans l'autodestruction, plus dans le. Je m'en foutais de tout, même d'une carrière ou quoi, je voulais juste rapper, foutre la merde et tout, donc c'est sûr que. C'était pas le bon contexte, on va dire. Mais voilà, j'en suis sûr. Il voit que ça devient professionnel vraiment. Ouais. Qu'il y a un album qui est sorti et qui fait un véritable carton, on le disait. Ouais. Beaucoup de monde qui soutiennent Nekfeu. Ouais. Il y a Esprit Noir qui est là que je voulais saluer aussi, qui est présent sur ton album. Ouais, il est là. On va mettre le morceau d'ailleurs, justement, qui s'appelle Madope. Bah ouais, justement, j'aimerais beaucoup qu'on passe Madope, qui est produit par One Up World. Mon Gava Esprit, il est dans la Esprit place. Esprit qui a sorti aussi un projet, là, il y a quoi, 15 jours, même pas. Il y a quoi, même pas une semaine. Hein, ça va? Ouais, ça va, et toi? En forme? Ça va, comment je vais? Bah tranquille, frère. Ça fait super plaisir. Esprit sera tout à l'heure dans la Nocturne, je le dis, à partir de minuit, à pas louper. Si, si. Mais je vais écouter ça, moi, la Nocturne, c'est mon délire. Et bah on l'écoutera tout à l'heure aussi. Esprit, ça va bien? Ouais, ça va. Franchement, je te disais, ça me faisait super plaisir d'être là. Parce que, tu sais, Nekfeu, ça fait longtemps qu'on se connaît, un peu. Long time. Et on s'était croisés souvent, mais on n'avait jamais collaboré ensemble. Et là, on a fait une double collaboration, tu vois. Ouais. Et il m'a fait écouter son album à LA. Et j'ai pété les plombs. Tu étais dans le gang de LA aussi, t'étais du voyage. Ouais, j'étais dans le gang de LA avec le escrew et tout. Et franchement, j'ai pété les plombs, tu vois. Franchement, je trouve que t'as accompli un vrai truc, tu vois. Je te l'avais déjà dit, mais il a accompli vraiment un vrai, vrai, vrai truc, un vrai album complet avec plein de thèmes, plein de trucs différents. Les meufs, elles peuvent s'y retrouver, les Kemi peuvent se retrouver, les Kaira, elles s'y retrouvent aussi, tu vois. Et ça fait plaisir, tu vois. Ça fait plaisir d'avoir participé à cette. Ouais, c'est vrai que c'est le côté un peu universel d'un album, c'est où tu peux toucher plein de monde, plein de gens différents. Ça. C'était mon but sur l'album, tu vois, justement. Et franchement, je pense la même chose, et sincèrement, de ce qu'il fait Esprit. Je kiffe ce qu'il fait depuis super longtemps, et voilà. Et t'as vu là, sur son album, j'ai posé un refrain, sur mon album, il a posé un refrain. Il y a un aller-retour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un match retour, on va kicker, tu vois. Ah, c'est ça. Il va falloir qu'on s'affronte. Voilà, c'est ça. Et bah, tout à l'heure, si tu restes un petit peu, de toute façon. Ouais, je reste. Tu reviendras à la Nocturne, donc t'es là, 11 vendredi soir. Je suis dans les bureaux. Et on va écouter le morceau Madope. Ouais. Et je voulais dire aussi que ce morceau, j'en suis très fier. Et je l'ai réalisé moi-même, le clip. Je me suis mis en mode réalisateur. J'ai fait ça à LA. J'en place une pour mon gars Salim. Il m'a donné un coup de main. Et le clip va sortir bientôt. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me le réclament. Et vous allez voir, c'est une folie. Et bah le voici maintenant, le son, Ma Dope. Yeah. C'est sur l'album Feu qui est dans les bacs depuis lundi. Aïe. Ah. Esprit, Monopoir, on dit quoi? Donnant. Yeah. Feu dans les bacs. Sont dans la place et tout le monde est stone. Feu, c'est dans les bacs, allez chercher ça, motherfuckers. Feu, esprit noir, j'ai l'impression que c'est déjà un hymne. Hein. Ouais, ce son, gros, c'est un truc de fou. Imagine-nous, ALA, gros gamos, toute l'équipe sur le toit. On mettait le son, on tournait le clip. Et c'était... le clip a été tourné, donc bientôt il arrive. Et... guettez vos écrans. Et dans le clip, il y a mon gars June d'ailleurs, 86. June. Qui est là. 86. Yes. C'est un... June, c'est le gars que vous avez entendu rapper cette semaine en anglais en carré. Ouais. Il vient de LA. Et donc il comprend rien ce qu'on entend. You come from LA. Yeah, all the way from LA. Voilà. C'est la famille. Le confirme. Ouais. Et lui, c'est un skater pro, tu vois. Il a fait des figures de malade dans le clip et tout, avec son poteau. Et c'est un bête de rappeur d'ailleurs. On va faire plein de trucs ensemble. On a des projets, je t'en reparlerai. Mm-hmm. Et voilà. Il est chaud. Et franchement, le refrain d'esprit sur Ma Dope, on est tous d'accord. C'est qu'un riz, comme on dit. C'est marrant, c'était un accident en plus. Tu vois ce que je lui disais là. C'était un accident. À la base, j'avais perdu ce que j'avais fait de base, tu vois. Et après, je suis arrivé au studio. Vrai, je me rappelle. Ouais. Et Elite, le micro, en fait, le micro, il est exceptionnel. Donc après, vas-y. AK-47, il s'appelle le micro. Ah ouais, et donc, ça a kické, donc direct. Ouais, voilà, après. Le morceau s'appelle Ma Dope et vous verrez donc les images avec June qui est là aussi avec nous. Attends, je vais poser une question en anglais pour faire genre, je parle anglais. June. What's your feeling about the French rappers? Nekfeu, Esprit Noir. Je lui demande. Esprit Noir. Black Spirit. Wow. since my French is real, real good, and I could understand everything that they're not saying at the moment. It's just dope. It's a dope feeling, and they know how to make the crowd rock. And seeing both of them perform, it was just amazing to see how they rock a crowd. And I can't even understand, but I can understand the feeling of people, and that's just beautiful shit right there. Tu veux traduire ou je traduis une fois? Grosso modo, il dit que voilà, il a sorti le feeling, qu'il ressent. Alors, il comprend pas tout, évidemment. Right. You speak French. You speak French. I know. Merci. That's it. Ah, merci. Et vous n'avez rien appris de dégueulasse, June? Bah non. On est pas comme ça. Non. Pas à l'antenne. Non. Ah, ok. Mais tu vois, il est venu avec nous aussi un peu sur scène et tout. C'est ça qu'il disait aussi. Ouais. Il a été choqué et tout parce que nous, tu vois, on l'a capté à LA. C'est amazing. Quand un Kinry dit amazing, c'est que c'est du lourd. C'est que c'est du très très lourd. Mais attention, il est très très chaud en rap. Là pour l'instant, dans les freestyles, là, il est que en impro. Je tiens à le dire. Mais il a des textes de malade. Il a un projet en fait de malade. Et pour nous, c'est important. On a connecté pas mal de gens de la scène, justement hip hop à LA. Des rappeurs. Qui commencent à être assez gros et qui sont super bons, et c'est un bon délire, tu vois, de le rap mondial prend de l'ampleur. C'est on fort. A le même âge, on fait les bails, voilà quoi. Welcome June, welcome. Thank you man, I love Paris. Yes. So much fun. Si, si. And the French girls? French girls, I'm here till Sunday. Ah, il est là jusqu'à dimanche. Les filles, donc allez-y. Hein. June 86. Yes. What's your Twitter, Instagram? SK86JOON, or you just Instagram is just 86JOON. So hit me up. Tu verras, de temps en temps, on le mentionne. Eh ben, merci en tout cas d'être là. On revient dans un instant. Ouais. Il y aura freestyle par téléphone et après on enquille. Freestyle. Ouais, direct. On est chaud, on est bouillant. J'ai passé après ça. Planet Rap. L'émission rap de référence. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Ce soir, en direct avec Nekfeu sur Skyrock. Ladies and gentlemen, Skyrock reçoit Nekfeu pendant une heure complète ce soir. Planet Rap Nekfeu. Le Planet Rap avec Nekfeu dans un instant. Donc il y aura du live Esprit Noir est là, et le Escrew évidemment aussi, qu'on salue toutes les filles. Escrew est là, mon gars Yas du Bronx est là, mon gars Elias est là, la McCain Family, Panama Bende. Il y a du monde, il y a Phénomène Business qui sont là. Elite sera au contrôle. Il y a Elite, il y a l'équipe du Blackbird aussi, il y a le petit Ruffedi, il y a Mousse. Juste avant d'attaquer aussi le freestyle, puisqu'on est vendredi, on parle d'avenir, il y a le label aussi, ton label, c'est là où tu sors évidemment le projet Escrew, ton projet aussi. Ouais. Les prochaines sorties du label, c'est t'as déjà une vision ou c'est un peu tôt? Eh ben écoute, là pour l'instant on a. J'ai eu l'honneur en fait avec le label de signer Hugs, le beatmaker qui apparaît sur notamment Égérie, Tempête, Martin Eden sur l'album. Et ça tombe très bien que tu me dis ça en fait, parce que en fait ce soir on avait une grande nouvelle. Ah. C'est que le Phénomène Business, John H et Saiga, ils nous rejoignent sur le label. Donc là je peux vous dire que bon, c'est fini hein, c'est Bad Boys, là c'est le label de l'année là. Je vous le dis, je sais pas trop comment exprimer ça. Là, je vais faire un discours, je vais l'écrire. Je suis meilleur en écrivant, mais voilà, c'est la famille, c'est deux rappeurs de ouf. On a pu entendre d'ailleurs cette semaine. Hein, ils étaient en freestyle. Ouais, on les écoutera aussi peut-être tout à l'heure dans quelques minutes. Grave. Et ce que je kiffe, c'est qu'ils sont archi perfectionnistes, archi techniques. Musicalement, là, ils arrivent avec un truc qui n'y a pas encore, tu vois, en France, en tout cas à ma connaissance. Et voilà, c'est une grande fierté avec mes gars du Escrew. Très grande fierté. On a toujours voulu faire ça en fait, et développer voilà le projet de 2R qui va sortir, le projet de Framal et Mekra, DJ Elite qui prépare une tape aussi avec Hugs, le projet qu'on fait avec les States, méga va du Phénomène Business, et on commence à être franchement un label de qualité, donc j'en suis super fier. Et donc à suivre, t'as une idée d'une date où c'est toujours compliqué dans les labels indépendants, mais ce qui sortira avant la fin de l'année ou 2016 plutôt? Non, on s'avance pas, mais là justement on est en train de tout mettre en place, là on est tout le temps en train de parler. Bientôt on annonce. Donc ça arrive. Tout le monde dit ça arrive, mais nous le truc c'est qu'on est en studio toutes les nuits. Donc suivez en tout cas sur les réseaux sociaux, et évidemment allez faire un tour, vous aurez toutes les infos. Et tapez Phénomène Business, allez guetter. Phénomène Business, il y a des freestyles de malades, il y a des. Voilà quoi. J'ai rien à vous dire de plus. Waydes est par téléphone d'Ayon, salut Waydes. Salut tout le monde. Ça va bien? En forme? Ouais, la forme. C'est le feu aussi dans le 57? Ouais, c'est le feu. Et bah vas-y. L'album de Nekfeu, ça peut être que le feu. Et bon, t'écoute, c'est l'heure du freestyle par téléphone. Et juste après, il y a freestyle dans le studio aussi. On t'écoute, c'est parti. Séché en ville, on fait des détours, la tête tourne, le monde est pressé comme une queue au carrefour, au carrefour du service d'hier que j'ai rendu, ce mandat cartoon, la vision négligée, ceux qui sont pendus, pendant sans la pendule, passe le temps même si ça brûle, et au fond on s'y rattache comme à une paire de tentacules, on a tous peur de deux, pas coup de tonnerre éclate, que ce soit avec approche, avec quelqu'un qui se passe, je veux réussir à percer ma bulle, voyager si je ne m'abuse, je veux voir l'envers du décor avec les idées d'un adulte, je me planque, j'ai peur que le temps m'attrape, je me claque. Le temps passe, j'attends mes battements de cœur qui font tic-tac. Je suis un autodidacte, mais je ne manque pas de tac. J'ai ma propre opinion, chacun sa vie, chacun ses tacs. Et la lumière s'écarte, j'ai pas sorti mes cartes. De la vie, tu tiens parti, sans seul dans son appart. J'ai appris à pas trop me poser questions, à pas trop chercher la vérité sous le mensonge. Appris à passer l'éponge, appris à prier les anges. Mais putain, à toi je songe, pourquoi les restes personne les mange. J'ai la pression que je dérange, dans ce cas ne m'appelez plus. J'ai des visions très étranges, comme si le monde ne tournait plus. Je m'idolâtre de à l'arbre, j'écris des lindas. Mais notre temps tisse comme une alarme. Yes, à l'instant, Wade Day sans freestyle par téléphone. Merci à toi, mon pote. Bien vu, frère. Merci. Elle est partie déjà ? Ah non, je pensais qu'il était parti. Il a cliqué, il se casse. Tu veux balancer 2-3 infos sur toi, 2-3 dédicaces, c'est le moment ou jamais, Wade Day, on t'écoute. Ok, alors, vous pouvez me suivre sur YouTube, vous tapez Wade Day, donc W-A-Y-D-E-S-S. Ouais. Et voilà, il y a des sons, il y a tout ça, et j'en prépare encore. Et je voulais passer une dédicace aussi. Vas-y, on t'écoute. Alors, tous les potos, Adri, Anto, Benoît, Tom, Rémi et tous les autres, et voilà. Eh ben ça roule, merci à toi, merci d'avoir été avec nous, Waydes. Bien vu, Waydes. Passe une bonne soirée, est-ce que tout le monde est prêt, on peut attaquer le live? Yes. Elite Blackbird. Ah, yeah, il te répond comme ça maintenant. C'est une galère, galère de ouf. Allez, on attaque, c'est parti. Yeah, escrew. Senzu, hey, suis la belle, ça fait, yeah, yeah. Avant de commencer son, j'avais un thème, un truc sombre dans la vendetta dans la tête d'un jeune qui a la vingtaine. Puis j'ai fumé un joint de jaune avec un tel ou peut-être un joint de zel. Tu vis ta fontaine et j'ai zappé sa mère. Faudrait que j'arrête cette merde avant d'elle. On est seul, ce qui fait qu'on est triste. Le mauvais aise, ça le fait qui fait qu'on se détruit. Dis-toi que t'as tout pour toi, c'est important. Quand est-ce qu'on va s'unir? Il faut un temps pour tout, on formate tout pourtant. Faut qu'on soit formaté dans le système, ils disent. Ça me fait flipper comme la montée de l'antisémitisme. On va en boîte, on se fait chier. Alors on fout le spell, on finit dans les fichiers. Les callbox, comportement à l'école bof. On se bute à call off, puis vend des alcools forts. Et les filles, je ne sais pas ce qu'elles veulent. Mais je m'en fiche tant que j'enfile des baskets neuves. Dès que j'ai mis la paire, ça y est, elle est plus neuve. Problème épineux, dans ce shop y'aura peut-être une mieux. On est continuellement frustré, consommé pour se consoler. Je m'amuse jamais dans les soirées, mais je continue de m'incruster. C'est pas bénéfique, les voisins débarquent avec la ferme intention de dire la ferme attention, j'appelle les flics. Je compte même plus les moments d'absence. Je t'aime, ça compte plus, les mots n'ont pas de sens. J'agrippe un scud pendant que mon groupuscule graille une crêpe postule face à Dieu. Mes têtes lisses et crêpes scrutent le même crêpe. J'ai mes raisons, t'as tes raisons, mon réseau dans tes réseaux. Ce soir dans ma tête c'est sombre, j'ai mon majeur en érection. J'pense mes textes dans des allées coupe-corps. De la pure cocaïne sous l'eau, pas très loin de la coupole, à l'époque de la coulco. Du perso à la tombe, il faut pas faire d'erreur. J'suis toujours avec mes refs, même devant des balles à plomb. Y'a que pour la victoire qu'on perd du grand cru. T'as cru qu'on allait lever l'encre. A chaque fois que j'en rentre une, maintenant tu sauras que je prends de l'élan. Un cycle interminable, je ramène un flot impérial dans une riade en mode survie comme Call of sur les terres d'Irak. Y'a plus d'élégance à l'heure où on est dans l'élan. Trop de métiers lents quand tu veux faire des millions. Ils sont tombés des nus quand on a fait tomber des murs. Tu veux nous voir en cercle, on vient nous voir à la tombée de la nuit. Je fais partie de ces gens trop sincères pour ce monde, les vicieux. Donc j'ai pas prévu de plan B. Et tu m'as jamais vite tremblé. Pourtant une vie peut s'échanger contre le mille. Pendant que je longe le vide, viens pas me parler du danger. Vos débats souffrent d'une atroce stérilité. Pour te duper, c'est les filles, bien que les salopes ne cessent d'imiter. Je suis qu'un homme, j'aime les femmes à forte fertilité. Mais je préfère mon équipe que seule la mort des voix divisées. Et je prétends pas résoudre les problèmes du monde. Je veux juste être honnête avec mes collègues. Ne jamais déconner pour le gros derge d'une blonde. J'ai une dent contre ce pays que les commerces surplombent. Microphonique prise de contact, j'envoie une mosaïque de rimes cinématographiques dans les panoramiques de ton casque. Je vis de mes textes, kick et faire de belles perfs. Nique le Medef, y'a que l'épice et que j'appelle chef. J'ai mis le rap avant tout, la fac, les srab, les femmes et mecs, des fois ça rend fou. Yo, laissez place à mon crew. Nique la passivité, j'suis toujours en activité. Mec, j'dois faire mon taf, question de responsabilité. Tu peux m'estampiller, coups, on est validé. Ils donnent dans la quantité, nous dans la qualité. Et y'a du pain sur la planche, on inclut ma bande. Parmi les pointures qui te ceinturent et te mettent le flingue sur la tente. Laisse les potes au taffé, yo, tu peux photographier. Yo, on brûle tous vos textes, mec, on a fait. J'suis devenu un homme, faut que je tue l'insomnie. Donc j'fais des putains de bonnes rimes et je débute un somme. Mon rap, écoute-le, j'vais bouffer tout le jeu. Mec, tu te doutes que on goûte beaucoup de peu avant le couvre-feu. C'est douloureux, t'es choqué, mais j'peux sauter plus haut. Les gars, toqué, approché au zéro, des à côté du faux. Grogné pour donner du flow et étoffer mon palmarès. Mes projets apparaissent, pas d'overdose car aucune maladresse. J'ai de la sagesse, mais je suis de la nouvelle école. J'vais redoubler d'efforts avant de monter, retrouver les morts. Jazzy, passe Esprit, on dit putain, quoi? Putain, on est là, mon pote. C'est dans les bacs, allez chercher ça, ça vaut le coup, je le dis. Yeah, yeah. Aïe, Senzu, N-E. Yeah, yeah. Yeah, check. Hey. On a le cocaine flow. Cocaine flow, cocaine flow, on a le cocaine flow, le cocaine flow, cocaine flow. Qu'on supporte du qu'on supporte du cash, pour du baisse, pour du gros. C'est fougère dans la basse, mec, nous t'es fait qui ose. On a la meilleure frappe, hey, yeah, check, là on a le cocaine flow. Qu'on supporte du cash, pour du baisse, pour du gros. C'est fougère dans la basse, mec, nous t'es fait qui ose. On a la meilleure frappe, hey, everybody knows, check, yeah. Tu cherches les meilleurs kickers, mon pote, tu t'es pas trompé. J'ai voulu grimper dans la drogue, mais je suis pas tombé. Nous on bosse à plein temps, clinquant, pimpant. C'est pas arrivé à mon pote, loin de Saint-Tropez. Check, check, check, check, fuck le check, check, check, check, check, check, check, check, check, fuck le check, check, check, check, check, I'm DMX before the world got him. Batman before he found Robin. Got no problems, couple addictions. Money, weed, and rad bitches. Slept on, serving pillows for loot. Stacking bread, but not driving a coupe. Nothing under my mattress, but a ratchet. Gotta have it. This America, you dumb niggas. Where cops pull up just to kill niggas. I'm not them, so you know I got the heater. All these niggas better see me, cause you know I'm gonna be him, I'ma beam him. Niggas better back up, back up before you get your ass fucked up. Let me not cuss too much, I'm about to spit this shit. You niggas better know that I'm too lit. My mouth got caught up. Let me get back on the beat and let me show you what is up. I'm here right now in Paris, straight from LA, so you niggas know that I am not scary and I am chilling on the streets. Niggas better see it while I'm killing on the beats. Niggas know I get it, you can't walk up on my feet. Nigga, I'ma do it all the time. Hey, 86 hey, gang, 86 hey, June. Hey. E2FG2E, feu, feu, feu, yeah, yeah, ouais, ouais, fuck la foule, j'aime les rues désertes. J'm'en bats les couilles d'être le plus célèbre. Paré sur mes vers, j'me dépense tellement que j'ai l'impression de gratter sur des chèques. Si tu vis, vise la lune. Ne peur à te fait pas sentir la thune. Rien ne change dans nos vies. On bosse l'album dans des villas de luxe. Entourage, entourage, Vincent Chase, Vincent Chase. J'pars à l'aventure avec mes 10 collègues. 10 collègues, l'entourage, l'entourage, FG, ça n'a rien à voir avec ces MC. Être le meilleur, c'est ça qu'on fait pour nous battre, peu d'espoir. C'est le L, on a 4 concerts dans 4 villes et le même soir. Vous et le dièse, les seuls tâches validés sur les t-shirts sont entourés de têtes. On veut toucher le ciel, faire nos trucs maintenant pour pas se dire putain qu'on pouvait le faire. Hein. Feu, feu, feu, feu, feu, feu, feu. Je vais le faire. Je ne veux plus comment faire. Le système veut me dompter mais obéir. Moi je ne sais pas comment faire. Non, je ne sais pas comment faire. Me sortir de là sans le vice pour l'instant. Je ne sais pas comment faire. Le Coran est rempli d'instructions pourtant. Je ne sais pas comment faire. Les graines se trouvent toujours en terre. Hustler jusqu'à ce que le monde terre. On fuir l'enfer, on me dit de changer. Bébé, je ne sais pas comment faire. Non, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. Et quand ma mère veut que je fasse attention. Et je ne sais pas comment faire. Sa dynamique dynamique dans mon quartier. Pas grand chose à part ma réputation. Mes OGs m'ont montré comment faire votre éducation. Mais je sais, j'assassine. L'homme est assez stupide pour se faire expulser du paradis. Bien et mal provoque une émulation. Donc, vis par le gun, meurs par le gun. Vite passe le blunt quand ce thug est le seul. Inna le blunt, je ne cherche pas midi à 2h. C'est bizarre, gogo, drogue, arme. CM6 écarte les jambes comme le logo de Jordan. Plus les disquettes, vite fait. J'vis une vie que les petites m'ont bas de kiff. Immunité diplomatique comme Deep Set, Deep Set. Car vrai négro, subissant miolé. On a des égos surdimensionnés. Feu dans les bagues. Feu dans les bagues. Est-ce qu'on l'entourage? Est-ce qu'on l'entourage? 1995, Vanga Alpha One. Bastilla, ma belle. T'as dévalé la ville en scred. Le silence est dans le respect. Canalisé par le cannabis, je n'ai pas dit mensuel. J'ai regardé l'évidence vraie, mais la vérité est sur la piste. T'auras beau laver, cela dit. T'as la belle à qui voir la vite forniquer toute la nuit. J'suis pas là pour aider ton ami, non. La belle n'a pas lavé le khalis. Ouais, bah repasse à la caisse, tu salives comme tes potes. J'me vis sur ma feuille comme si j'étais au jour. J'ai gratté la main, ça. Le départ est instable. Pas sur le même pédestal et je pars sur des basses fois. T'es comme le Joker face à Batman. Idée ne passe pas, criblé de balles par nous. Tu n'étais pas dans le coup, mais bon. J'étais là où les plus corrompus, dont les bidons veulent le guide au mon con. Je ne dévale pas la ville avec les moutons, on pousse ton con. Démarre la machine avec un pouce dans le cul. J'ai des frissons, le pacte n'est pas rompu. Pendu par les pattes et les couilles sont tes équipiers. Plus de balles dans le barillet, tous mes alliés sont prêts. Les mots je vais manier, des dégâts sur ton palier. Palier, Panama Bende. J'suis dans une suite de malades. Canapé en cuir en dessous ses cuisses. De mama odeur de weed. De salade mélangée à l'huile. De massage. Mais quand se rapproche, on est tous en sueur. Ça prend tout son sens pour ma puissance. J'aime les bons rapports dans la distance. Quand t'avales, je veux entendre oui mon maître ou tais-toi. Fais ça gentiment, tu seras une petite poulet qui décoiffe. Déscolarisé, Robert Renoir, Babtour, Romain Michel dans les halls la misère. On manigance pour les lourds, Bill Gates pour les modalités, pour la moralité. Chehma dans le bolide. Mardi, toi les lèvres. Oli, oli, noir et beige. Sors-nous ton regard exotique. Tu peux nous ressembler, bande de nazes. S'il y a des familles, tu peux prendre de l'as. Si c'est que ça le pute, tu peux prendre ton tarma. S'il y a pas de pub, tu restes un gentleman. Oh, oh. Ah, ça les gars. Ok, je vais y aller. Yo, tous les jours, je remercie le ciel de permettre à la danse. Désolé. Matin, midi, soir. Ok. Tous les jours, je remercie le ciel de permettre à la daronne de s'élever de son lit. Matin, midi, soir, tout pour l'oseille. Conflit permanent avec la police. Les rappeurs français sont dans l'agonie. Pégé dans la trappe des chiens tenus par des laisses. Ils font les teufs faisant les macaques. J'en ai ma claque. J'rafale dans le tas comme Tony. Tant pis si j'y reste. On fait nos bails en freelance. Traqué par le ministère des finances. Voir les pleurs de la daronne, ma peine est si dense. Arrivé au monde, on crie, on meurt en silence. Ta maman peut plus te cajoler. Si tu fais le grand et si tu finis foisonné. Attiré par la mer, l'activité des embrouilles privées d'amour, la rue m'a façonné. Faut que lui balancer les lopettes. Tout signe de sentiment est perdu loin dans mes mœurs. J'ai laissé la compassion sur le tech. Aucun miroir n'est assez grand pour refléter mes erreurs. Je rappe à mes heures perdues. Étant donné que j'ai du temps à perdre. Ouais négro, j'ai du temps à tuer. Avant que l'oseille me mène à ma perte. Les démons dans ma tête deviennent que quand je pousse. Je suis loin les billets verts, j'ai pas les gants de boxe. Pour ne pas baisser les bras, j'ai fumé gramme trop. Guidé par le ballon comme FH, je suis sincère quand je cause. Pour mes félix, j'fais des bas de l'eau. On a tissé dans la bouteille, c'était pas de l'eau. C'est pour mes vrais gars qu'on l'a passé en attaque. Ouais, ouais, dojo family, y'a pas ta ce plat dans le paquebot. T'as cru qu'on allait rester allemand. Il faut du billet pour que le véhicule soit allemand. Besoin de crier qu'on est doux et que les placements. Loin d'ici, j'écris, je sais que ça finira brutalement. J'ai neuf pour me rendre pro. Tout est passé si j'esquive les piques, les balles comme Rambo. Tous mes gavas là sont ready quand la cage grand. Une place et des coups bas, ta jalousie provoque ta propre. Moi j'aime pas ta tête, second tour j'aime pas ta tête. Arrache-toi, j'ai pas de plaquettes. Polo smart, la tech. Dans ma pote, y'a pas de tapette. Quand on raquette, ça dure pas 5-7. J'veux des 4-5 chiffres. Après le 1, mes 4-5 chiffres. Tous mes 4-1 chiffres. Si tu veux du rap sensif, petite 4-1, mon début vaut bien plus que tes placements de shit. J'assassine les passes l'auto. J'ai le son qui passe aux os. J'ai les cas sociaux. J'ai fait toutes mes classes aux os. C'est le 20 t'entends, mais j'ai vécu dans le 1 autre. Au milieu des buts des règlements de concho. Près des canailles et des caracs qui portent pas de poncho. Près des quartiers gangs, je vandalise des tas de gangs. Je prends des flics, je prends des flingues et puis des placements d'autres. Mon phrase est vers les désossés. Pour ceux qu'on fait les 400 coups. Du deal au bol de portable, une claque et on est en ton pouls. Même si t'as le jeu de jambes de Vandame, pratiquer la Vandame. S'il peut passer d'être dans les délais, fais jouer les contacts. C'est du sport de contact, ça les fait ses contracts. Tu peux m'appeler gros crash, gros crack, coca, sosa. Je rentre pas dans leur quota. On vient pénétrer ton domicile. Au pipe, je gros missile. C'est l'équipe des gros ici. Pélec, j'ouvre ici. Viens pas jouer les hoches ici. 75 au domicile. C'est le ouvert compteur. Renoir, c'est le sang qui rit, sous les ponts d'or. Bienvenue à Paris, fais péter tous les compteurs. Tous les jours, on s'entraîne à maîtriser nos peurs. Tu peux voir mes F fouler le 7-5. Feu, c'est dans les packs, man. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, ouais, ouais. Tu vas me dire c'est la vie, t'es pas tout chaîne. Les mecs c'est radic pour les mêmes scénarii. Pendant que le plus riche de tout se pète les narines. En train de baiser la ville sans même baisser la vitre. Tu veux le Cayenne, t'auras la couchette. Plus belle Cayenne, non t'auras la poussette. Pas de BM Ferrari quand la haine fait la bise. Ouais la paye fait la diff, la plus vieille fait la di. Eh, cul comme Willy Denz et la mif. Lequel de mes gars va vous draken ses amis. Je vois des têtes de salive, plan de Bent, les salines. Belle caisse à livrer, mais quel spécialiste. Get c'est Salim, quitte avec c'est Samis. On se reconnaît plus lorsque les ex s'animent. Sexe et famille, rime comme stress et vanille. Donc pourquoi les mélanger, pourquoi les textes se salissent. Eh, morale dans les baskets, mec. Les problèmes de la vie rendront les casse-têtes claires. Au fond de l'abîme, personne de classe t'aime tête. La couleur de ma rime, tu te manges une balle pleine tête. Demande à Sheldon, demande au Panama. On vient remplacer le boss, prendre la force au Padawan. Viens pas tester Salim mais sa punch des habits. Jusqu'en la prince des habits dans les restes de Paris. Ouais, ouais, ouais, feu, feu. Ouais, le feu est là. Tout le monde est là, les gens sont chauds. Feu, feu, feu, feu, feu. Feu dans les bacs. Check, check, check. Ok, ça fait. Le soir j'pisse du colal, convoitise d'une bonasse. Trop de connards font naufrage, ça flippe vu nos armes. À 15 dans un zingame, vous serez comme on place. Posé dans un gamme, on se fait bonne bombasse. Chien de la casse, tu siffles les moches et ça c'est illégal. J'aime les femmes qui kiffent les hommes mais pas les petites pédales. T'as pas de talent connasse, non. Mais qu'est-ce que tu veux savoir. J'ai pas de culilingus, j'aime pas ma langue au chat. J'aime pas l'état et la pédave et toutes ces tâches étalisées. Tu fais le vrai gars mais les vrais savent. C'est quoi les pages, je récupère à Sahara, je remplis des sales petits. J'avais toujours les mêmes sables comme un héros dessin animé. Je mets des coups d'épée dans l'eau, l'affreux, on se propage. Prépare tes adieux, on fout le feu comme tes Ghost Riders. Bref, il faut que toutes les mains se lèvent. Rime façon West Coast, gangsta à la Death Row. On fuck les ennemis, miskin, ils se croient peut-être drôle. Ça cartonne comme au rallye, au Carlton même son rallye. Mes alliés se rallient, mental de patron. On ne dit pas pardon, y'a que comme ça que tu seras libre. Si je tombe à Fleury, c'est qu'il y a un beau million à prendre ou qu'il y a une tombe à Fleury. Les deux traits vont prendre des pralines. J'ai pas vu de boule au temps. Faut prendre pas le train trop. Ils ont la boule au ventre. On a les abdos. Bande d'enculés. Feu, feu, feu, feu, feu dans les packs. Ouais, ouais, ouais, hein. Panama, Vende, Oz, on dit quoi. Ouais, ouais, ouais, alors on file ton cost, on pète. Le truc à la mob, Jeep, c'est mort, le glauque est raid. À tout moment, la scène sera morbide. A-N-A-M-A-B-E-N-D-E. Les gars, c'est grave, mais là, je crois que c'était bave. Et ça, mes cœurs, en place, je fly. Quoi? Les autres croient que je vine. Tu veux continuer à insulter, t'auras des noises de taille. Gros ex, c'est drogue, hérésie. Ma caille, c'est grave, moi, je veux juste la renommée de Led Zeppelin ou bien même celle des Red Devils. Avoir le salaire de gars, tous au fur jusqu'à Capulco. La France, c'était Jedi. Je préfère Ichi à Naru. Je suis unanime. Je rêve de me baigner, de chiller sur la rive. Au but d'achille, je brandis fumant comme un feu de forêt. Mais même avec ça, j'oublie pas que je veux la carrière Budacris. Au beat acquis sur ton papa, le fétichiste de la campagne. Reste ici, je rappe encore, concocte des attentats. Je suis un rappeur cyborg avec une pointe d'humanisme. J'aime me foncer sur un track du Caris. Fume le zap pur et mets des claques au buraliste. Bébé, feuille dans les bacs. Check, check, marre, ouais. Marre d'être déprimé, Seigneur m'entends-tu. Je me détruis même au détriment de mon art. J'aimerais agir autrement, ouais. Check, check. Marre d'être déprimé, Seigneur m'entends-tu. Je me détruis même au détriment de mon art. J'aimerais agir autrement, ouais. Check, ça fait un. Peut-être que les mecs te mentent et non, y'a pas que les vêtements. Je pense pas que les rêves de grands me correspondent honnêtement. Des centaines de kilomètres de gens dehors, j'aimerais qu'on les mette devant. Yeah, yeah, yeah. File-moi un rêve et que je décolle. Frère, je me sens plus prêt, la maison retraite que de l'école. Tous les soirs, je me bousille, mais je ne regrette que de vrais torts. Acteur de ma vie avant qu'on me jette dans le décor. Je dois éviter le mesquin. Dans ce film, ton énigme, c'est le destin. Peut-être est-ce Dieu qui le rédige et nous prédit peu de belles fins. Mes couplets, je les ai trouvés en route. Le souffle d'un taureau en deux tapes avec des sous-vêtements rouges. Tu vois le dos pour mec, on roule tricard en coupe et dans le hood. Salaire de smicard avec un lifestyle de courtier en bourse. C'est pour mes lèvres, t'as trop d'écoute et par les journées sans flou. On veut le milliard, mais je ne vois que quelques dinars sous le coussin, genre camouflé en douce. Je suis prisonnier du ciment, je devrais parler gentiment. Tranquillement, je ride avec des meufs que j'ai draguées en sifflant. De temps, il me reste peu à vivre, je laisse mon esprit s'évader. J'écris des pavés, inspiré par ceux de ma ville. Feu, feu, feu, feu. Feu, dans les bacs. J'ai des problèmes dans ma vie, mais je regarde le monde et je me dis que c'est rien. J'allume ma télé, je vois que des vies s'éteindre. Moi je vois que du rouge, y'a plus de rose. Je vois que ça serre la ceinture. Je vois des sous derrière un bureau. Je vois un peuple derrière un mur. Je vois qu'un daron vient chercher ta petite à l'école pour la violer dans un champ. Il va la brûler, donc tu la reverras jamais dans sa chambre. S'écraser dans la pente, c'est tout ce qu'on va faire. Société T2X, on vient de cracher dans la fente. Et j'arrête pas de t'irriter, mes faces touchent ce qui te blesse. J'ai des facilités dans le rap, donc je peux dire ce qui me plaît. J'en profite. Les gens parlent bien, mais les gens profitent. Ouais. Faudrait que je change de pays si un jour je veux faire un gros fit. Non, je déconne. Je laisse un peu de côté l'ego trip. Là, je fais juste parler mon cœur. Je me fais de savoir si l'ego kiffe. Je me fous de savoir si l'ego kiffe. Ouais, ouais. Feu. Dans les boîtes. Dans Paname, les gens cavalent, moi je m'y pavane. Slow down comme le roi dans son palace. Il rend son dame et s'en va aller autour de la table carrée. Je suis pas un as, mais un taré. Pourquoi tout le monde veut prendre ma place? Je suis Roronoa, donc je fuck au Konoha. Le One Piece, on l'aura à la force de nos bras. Mon équipage pousse mon aura jusqu'à la 36ème rechamp. Puis brandit bien devant moi l'emblème de mon peura. Je démonte un coup de brossa qui veut tester le samouraï ninja. Je fais l'amour au team plat, voix de cristal, remballe tes diams, tout fâche. Je te compte des tas d'ouvrages, tout comme le père Storka qui viennent des du Torska et de ses entourages. Viens filmant dans le tournage. Mes yeux sont à la caméra, retranscrivant de la capitale rouage. Vice et aléa, je l'évite, médite, médire. Car il y a pire, c'est Christella là. Si les favelas, loin de la Baltique, des Maldives au Baléares. Yeah. Y'a que pour lever que j'ai d'appétit. 300 000 EG pas arrêté. Si t'es un PD comédie, la balle se propage dans ta rétine. Le lâche-gars est sous mon barca. Trace 200 sur mon parquet. Sur le rat, on est le Barça. Donc il faut penser à se démarquer. En cougna, maman. Atterrissage, Phuket, Ibiza, t'es bizarre. T'attends le dernier moment. Offre-toi ton billet. Le billet que tu me dois, négro. Tu sais que je l'ai pas oublié. Juste fais semblant. Je crois que le c'est la taille. Tu peux vite mourir dans le travail. À moto mitraille comme au Mirai. Si tu survis, c'est un miracle. 4-7 AK comme au Irak. Bienvenue dans le bateau pirate. Je seul sais où est-ce qu'on ira. Jette le record dans le virage. J'ai la haine comme Tony pour Elvira. C'est toi qui m'a dit que tout se paiera. Bois les couilles. Qu'est-ce que vous avez tous? Allez-vous faire enculer? Je veux qu'elle me dérumer. Je suis très rancunier. Je vais bosser enfumé. Le lendemain peut te rhumer. Clique toi, ça se fait enrhumer. J'ai pas d'amis. Je compte sur ma famille. Yeah. Sur mon famas. Sur ma famille pour mon rêve du Kamas. Check, laisse Elite de Spi. Ça fait 1-1-1-1. Personne ne peut aimer le rap plus que moi je l'aime. Il a flagellé mon âme lors des abus de ma jeunesse. Il m'a ramené dans l'art, il m'a rappelé au calme. Immature, témoin des images dures de l'arme et démoniaque. Et peut-être que le rap certains le font pour rire, mais moi je cautionne pas. Est-ce que quelque part dans ce monde pourri des gens pensent comme moi? Hein? Ouais, j'entends les foules hurler. Je fous le bouc quand je voulais jurer. Feu est dans les bacs, va le pécho. Feu. Merci à vous tous pour cette session live, cette session freestyle à l'instant. Feu. Merci pour cette belle semaine. C'est la fin, frère, on fout le bordel. J'ai envie de dire au feu. Depuis lundi, merci pour cette belle semaine, Nekfeu. Merci à tous ceux qui sont passés aussi tous les soirs de la semaine. Ouais, je peux rappeler vite fait. Vas-y. Yo, c'était là, excuse-moi, je suis un ouf. Tous mes gavas de Panama Bende, Phénomène Business, l'entourage, Jazzy Baz a kické du sale. FJ était dans le coin, il y avait. FJ était dans le coin. Le Hyperou, évidemment. Ouais, j'essaye de. Enfin, de toute façon, regarder la vidéo et demander qui c'est, parce qu'il n'y a que du lourd. Merci à Elite qui était aussi au platine cette semaine entre 20 et 21, qui a bientôt balancé comme d'hab. Merci à toi, Nekfeu, l'album est numéro 1. Ouais, et que ça continue, il faut que ça dure. Ouais, bah, on verra bien. Bon, merci en tout cas. Juste avant de se quitter, on fait tourner rapidement la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre le nouvel album de Nekfeu, celui de Big Flo et Oli. 100 chèques cadeaux de 50 euros, plus 100 places pour le Nitro Circus à Nice. Skyrock. Nico de Lille, ça va bien, Nico? Ça va, tranquille et toi? Ça va, une grosse semaine, un week-end qui arrive. Et toi, Nico, tout se passe bien à Lille? Ah ouais, c'est ça. Ouais, tout se passe bien à Lille, hein. Il fait beau encore, donc et ça bah, va. Bah, terrible. Prêt à faire tourner, on y va? Ouais, c'est sûr. Dès que tu veux, tu dis stop, la roulette tourne. Ah, stop. Ah ouais, c'est comme dans le studio, ok. Énervé, Nico, c'est le week-end, c'est normal. C'est ça qu'on aime. Ah ouais, c'est ça. Rapide, photo. Nico, y a qui derrière avec toi? Un pote à moi, mon meilleur pote. Bah, le poteau qui est derrière. Portugal, Portugal. Ah, c'est ça, Portugal. Et les albums de Big Flo All-in, de Nekfeu, 50€ en chèque cadeau et les places aussi pour le Nitro Circus du côté de Nice. Ah bah c'est super. La totale pour toi, Nico. C'est super, merci à les gars. Et bah, bon, merci à toi, merci. Passez une bonne soirée, merci. Merci Nekfeu. Fred, merci de nous avoir accueillis, merci d'avoir permis de découvrir des rappeurs qui valent le coup. Et bon, il y en a des exposés, il y en a des moins exposés, donc je vous invite à suivre jeune génération et plus jeune encore. Et tout voilà. À l'heure, juste après Difool, il y a Esprit Noir qui revient pour la nocturne. Sa nocturne à lui, donc à pas louper tout à l'heure. Ouais, vas-y, écoutez ça, alors ça va kicker ça. Ne suffit pas. Merci, c'est merci en tout cas, Esprit, d'être passé. Et ouais, on se retrouve bah, tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Nekfeu, à très vite. À très vite. Merci à vous tous. On va retrouver Difool. C'est l'heure de la radio libre. Maintenant, c'est parti. Coup d'envoi. Eh bah oui, coup d'envoi, Fredo. Ouais. Grosse semaine, grosse semaine dans l'émission. Ah, merci à Nekfeu d'être passé aussi. Grosse soirée ce soir. On vous dit tout. Ça démarre dans un instant. À tout de suite. À tout de suite. Ciao, à toutes.